Alors, pour ce qui concerne le point 2, nous ne sommes pas contentés de demander l'abrogation du décret du 23 avril 2009, hein, qui a modifié le décret statutaire, mais nous avons pris bien soin d'expliciter ce que nous récusons. Nous récusons la possibilité d'une modulation de service à la hausse, ainsi que l'instauration d'une évaluation individuelle supplémentaire, périodique, systématique, qui est l'évaluation quadriennale, dont la seule fonction paraît être aujourd'hui de justifier la modulation. Et de manière plus positive, nous avons réclamé du temps, le temps de la recherche, parce qu'il n'y a pas de recherche sans temps, le temps de la lecture, le temps de l'étude approfondie, le temps de la réflexion, le temps de la culture, le temps de la concentration, le temps du recul, de la proposition et de l'invention. Et c'est la raison pour laquelle, en refusant toute possibilité de modulation de service à la hausse, nous avons réclamé qu'au moins 50% de notre temps de travail puisse être consacré à la recherche. Donc l'idée qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y a pas de recherche sans temps, sans liberté et sans sérénité, hein, comme le dit un bel article du Code de l'éducation, l'article L123-9, qui est souvent oublié et qui énonce que, à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités doivent assurer les moyens d'exercer leur activité dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensable à la réflexion et à la création intellectuelle. Alors, l'interrogation, c'est de savoir si les axes essentiels du décret statutaire actuel sont propres à assurer tant indépendance et sérénité. Et avant d'examiner ces points, donc, il est nécessaire quand même de rappeler en quelques mots le contexte d'activité des universitaires. Quel est-il ? C'est celui d'une multiplication croissante des tâches, hein, qui est accompagnée d'une bureaucratisation croissante des activités, assortie de rédaction de rapports, de processus d'évaluation et d'auto-évaluation qui sont multiples et qui sont eux-mêmes générateurs de nouvelles tâches à part entière. Et à la réflexion, on peut se demander quel est le métier qui pourrait se targuer d'être devenu aussi divers, hein, alors même que la recherche exige par nature concentration, réflexion et abstraction. C'est dans ce contexte que doivent être envisagées la nouvelle évaluation quadriennale et la possibilité d'une modulation à la hausse. Alors, il faut quand même un peu rappeler d'où l'on part, puisque les textes se sont un peu obscurcis à la suite du mouvement qui a neutralisé certaines de leurs formulations. Dans le projet de décret statutaire, qui est daté d'octobre 2008, la modulation de service et la nouvelle évaluation quadriennale sont très clairement liées, hein, puisque le projet énonçait, je rappelle, le tableau de service de chaque enseignant-chercheur peut comporter un nombre d'heures d'enseignement inférieur ou supérieur au nombre d'heures de référence, en fonction de la qualité des activités de recherche et de leur évaluation par le Conseil national des universités. Donc, c'était très clair, la modulation à la hausse pouvait être imposée à la suite d'une mauvaise évaluation. Et le mouvement de 2009, il a quand même eu certains effets positifs. Il a eu pour conséquence une nouvelle rédaction, un peu plus neutralisante, des dispositions nouvelles relatives à la modulation et à l'évaluation individuelle quadriennale. Alors, la modulation n'est plus expressément liée à l'évaluation individuelle et sa mise en œuvre est subordonnée à l'accord écrit de l'intéressé. En revanche, nous savons tous que la possibilité d'une modulation à la hausse n'a pas disparu, hein, puisque le service d'un enseignant-chercheur peut comporter un nombre d'heures d'enseignement inférieur ou supérieur au nombre d'heures de référence. Et Surtout, le consentement de l'intéressé peut être soumis à des pressions. Pressions dont il est important de dire qu'elles se manifestent déjà aujourd'hui dans certaines universités lors de la mise en œuvre du référentiel d'équivalence horaire. Et il faut rappeler que le décret statutaire prévoit que le conseil d'administration définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs et qu'il fixe également les équivalences horaires applicables à chacune des activités correspondant à ces fonctions. Donc ces équivalences, elles ont fait l'objet d'un référentiel national approuvé par arrêté du ministre. Et ce référentiel, il a été présenté comme et accepté par certains, présentés par le ministère, comme une reconnaissance et une valorisation des tâches diverses des enseignants-chercheurs. Et effectivement, il permet parfois de convertir un certain nombre de tâches en heures d'enseignement et de les intégrer dans le service. Cependant, il comporte de nombreux aspects très critiquables. Tout d'abord, le système d'équivalence est très variable selon les universités et donc il contribue ainsi indirectement à instaurer une inégalité des services des enseignants-chercheurs. Il est instauré sous la forme d'un forfait, donc il ne correspond pas nécessairement à la réalité d'un travail fourni. Il laisse en dehors de lui une série de tâches qui ne sont pas intégrées. Et il est utilisé, encore une fois, dans certaines universités pour demander aux enseignants-chercheurs d'assumer des activités supplémentaires au cas où leurs activités de recherche seraient estimées comme insuffisantes. Et donc, il est utilisé parfois pour mettre en œuvre la modulation du service à la hausse. Alors, un collectif d'universitaires d'Orléans a mis en évidence une dénaturation de l'esprit du texte, en arguant de la présentation positive par le ministère du référentiel. Mais en réalité, on peut également souligner, et c'est très important à mon avis, que cet usage du référentiel, il est rendu possible par le texte même du décret, texte même qui prévoit une modulation du service à la hausse. Donc ce sont bien les nouvelles dispositions réglementaires qui génèrent, sans la justifier ni la fonder, des pressions exercées sur le consentement des enseignants-chercheurs, car on ne voit pas en effet pourquoi un enseignant accepterait une péjoration de sa situation. C'est donc bien à une modification des dispositions relatives au statut des enseignants-chercheurs qu'il faut procéder, et non pas seulement à une contestation du détournement de l'usage du référentiel. Donc, le collectif d'universitaires de l'Université d'Orléans, il propose une analyse intéressante. Il critique la mise en place de ce dispositif. Il fait valoir que la seule force normative de cet usage du référentiel est celle que nous lui accorderions si nous nous mettions à croire qu'il s'impose à nous. Et il montre que le ressort d'acceptation de ce dispositif est la peur, l'intériorisation de la contrainte, la soumission volontaire. Cependant, ce qui est important, c'est que c'est bien la possibilité d'une modulation de service à la hausse qui engendre des pressions, certes illégales, mais qui n'aurait pas de raison d'être en son absence. Donc c'est un texte qui est à la racine d'un processus visant à obtenir la soumission volontaire. Donc la question, s'agit-il de conditions propres à assurer l'indépendance et la sérénité indispensables, selon le code de l'éducation à la création et à la réflexion intellectuelle, d'évidence, non. Pour ce qui est à présent de l'évaluation individuelle, alors son utilité n'apparaît plus expressément dans le texte, parce qu'elle n'apparaît plus en raison de la lutte de 2009 en tant que fondement de la modulation comme il était prévu dans le projet initial. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la présidente du CNU a initié une réflexion sur les finalités de cette évaluation ainsi que sur ses critères. Et on sait à cet égard que le SNESUP préconise une évaluation formative. Alors pourquoi, dans le texte, nous réclamons expressément la suppression de cette évaluation quadriennale? Après tout, on nous dit parfois, tout le monde est évalué, les chercheurs le sont aussi. Alors, tout d'abord, On nous sommes déjà évalués en tant qu'individus lors de la demande d'une qualification, d'une promotion, en tant que membre d'un laboratoire, en tant que responsable de formation. Et il est vrai qu'on nous oppose que certains échappent à une évaluation individuelle. Alors pourquoi s'opposer ? Alors la raison essentielle de notre opposition réside dans la fonction qui peut être assignée à l'évaluation individuelle. Le texte énonce que les établissements prennent en considération les activités ainsi évaluées en matière indemnitaire et de promotion, mais il ne prévoit aucunement que seule cette fonction puisse être assignée à l'évaluation. Et il faut ici aussi prendre en considération le contexte dans lequel la disposition relative à l'évaluation s'insère. Ce contexte, c'est toujours le même, à savoir la possibilité d'une modulation à la hausse. Et la fonction de l'évaluation, ou tout du moins l'usage qui peut être fait de l'évaluation, doit donc être mis en rapport avec la possibilité d'une modulation à la hausse, et il serait naïf et erroné de faire abstraction du contexte des dispositions relatives à l'évaluation. Il va en être de l'évaluation individuelle quadriennale comme du référentiel d'équivalence. Alors certes, la fonction n'est pas assignée expressément par le texte, justifier la modulation, mais elle résulte bien de toute la logique de celui-ci. Et de surcroît, cette évaluation individuelle systématique et récurrente risque fort de ne pas être en pratique une évaluation approfondie, à la différence d'une évaluation lors d'une demande de qualification, par exemple, qui exige une étude sérieuse du dossier. En ce qui concerne la recherche, en effet, une évaluation intensive par sa périodicité risque fort, même si on n'en connaît pas encore les critères, puisqu'ils ont à être définis, d'être principalement quantitative et de laisser de côté l'appréciation qualitative. Alors ici, les effets pervers que peut susciter une évaluation de ce type ont été maintes fois soulignés. Il n'est pas nécessaire de développer, notamment... la dangerosité pour les individus de se livrer à un travail de recherche requérant un temps particulièrement long dans un domaine peu valorisé ou exploré. Alors comment une telle évaluation serait à même d'améliorer la qualité de la recherche scientifique ? Elle est bien plutôt propre à lui nuire. Et il serait bien étonnant qu'elle ne soit pas utilisée pour mettre en œuvre la modulation des services comme nouvel instrument de pression dans le cadre de la gestion des ressources humaines. Donc, en conclusion, parce que nous demandons le temps, l'indépendance et la sérénité nécessaires à nos missions, nous réclamons la suppression de l'évaluation périodique et de la modulation.